fais du sale. Escoute le bel, escoute le bel, escoute le bel. Y'a qu'à toi que je peux faire confiance. RCZ, des uns qui s'achètent. Bébé, je te promets des vacances. Mais en ce moment, au quartier, c'est chaud. Faut que j'arrive à sortir de la mer.